ciel est plein de joie, la nuit est parfumée, ah quel parfum subtil. Odeur de feu de bois, douce odeur de fumée, odeur du mois d'avril. On sent que bientôt c'est la fête, la jolie fête du printemps, qui fleurit par-dessus nos têtes, le ciel d'avril, comme les champs. Une étoile m'a dit, deux étoiles m'ont dit, connais-tu le pays du rêve? Le pays d'amour où sous le ciel bleu tout est joyeux. Les beaux jours sont courts au pays d'amour et les nuits sont brèves. Mais on vit sa vie loin de tout souci. Vient cette nuit, ah, c'est du mystère que tu veux, en voilà. Ah, oublie la terre. Ah, viens avec nous, tu verras les joyeux matins et les grands chemins où l'on marche à l'aventure. Hiver comme été, toujours la nature, la route enchantée. Avec nous tu verras les joyeux matins et les grands chemins où l'on marche à l'aventure. Hiver comme été, toujours la nature, la route enchantée. Bonjour, le jour, la vie, la nuit, l'amour. Bonsoir, vous êtes à l'écoute. Bonjour Minnesota, la voix de la communauté. Et c'est une radio sans frontières. Moi, je suis Caril. Et I'm Dana. Je m'appelle Dana. And you're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. For comments or questions, call the studio line while the music is playing at 612-341-0980. But in the meantime, we would like to let you know about a special program we have for you tonight. Caril? We are having a guest who recently received the French Medal of Honor for the Legion of Honor. He will be speaking here as soon as we get the setup going. He was a paratrooper, parachutist, who landed on D-Day, June 6, well, it was just a day or so later, June 6, 1944, went on for a fantastic career and a bit of history. He saw all the major battles of Europe, Bastogne, the Battle of the Bulge, and several others, including the Market Garden operation. In the meantime, we'll continue our music. Right, and we started off this hour with Charles Trenet, La Route Enchantée, and we'll go ahead and move into some Da Silva. Je navigue encore à l'aveugle. Même si je sais que depuis le dernier chaos, je devrais voir un peu plus clair. Je devrais mettre quelque chose qui tienne chaud. Je navigue encore à l'aveugle. Je me suis mis à nu, enfin, contre ta peau. J'ai balancé la longue vue par-dessus bord. Je sais pas avancer sans prendre l'eau. Thank you. tonnerre, je veux tout à flot. J'embarque, je débarque enfin contre ta peau. Je balance tout pour nager dans les eaux de vie. Je peux pas rester sur le bord de mes envies. Oh, je balance tout pour nager dans les eaux de vie. Je peux pas rester sur le bord de mes envies, de mes envies. Sur de jolies choses passées, en ta compagnie, sur de jolies choses passées. Usé pour la vie, on n'a pas su recolorier le fond de l'écran, notre histoire pauvre en couleurs. Assombré dans le gris, assombri mon cœur. Ne bat plus la cadence des jours heureux. Passé en ta présence, mon amour, le temps ne suspend plus son vol. Atterré, atterri, abattu en plein vol. Non mais dis-moi vraiment, à quoi l'on ressemble après toutes ces années à vivre ensemble? De partir, non mais vraiment je n'ai pas le cœur à entreprendre de jolies choses. Et seul, sans ta compagnie, de jolies choses passées se cognent à ma vie. Je n'ai pas su effacer le fond de l'écran, notre histoire pauvre en couleur. Sans blinder les piles, assaillit mon cœur. Ne bat plus la cadence des jours heureux. Passé en ta présence, mon amour, le temps ne suspend plus son vol. Atterré, atterri, abattu en plein vol. Non mais dis-moi vraiment, à quoi l'on ressemble après toutes ces années à vivre ensemble? Want to continue listening to KFAI while away from your radio, laptop, or desktop computer? Download the free mobile KFAI community radio app for iPhones, iPads, and Android devices, available at your app store. With the mobile app, you can live stream KFAI's on-air broadcast or bookmark your favorite on-air and web-exclusive programs for later. For more details about the KFAI community radio app, visit KFAI.org. Programming on KFAI is supported in part by Medtronic, partnering with the United Way to improve access to healthcare in Minnesota. Calling 211 from any phone provides all Minnesotans with information about local health resources within their community. The United Way's 211 phone line provides health information in English, Spanish, and Hmong. Thank you. fenêtre, je lui souris. J'ai deux, trois mélodies en tête et plein d'envie. Elles m'en font voir de toutes les douceurs. Comment résister? J'ai rendez-vous avec quelques heures de liberté. Radio, les sales nouvelles chantent leur refrain. Mais aujourd'hui, personne cassera mon entrain. Bien trop zen, et même que dans ma tête un peu larguée, y'a une base de funk et un beat de reggae. Derrière la vie, y'a ce bruit, la ville qui ronronne, faut que je sorte et prendre un peu ce qu'on me donne. Derrière la vie, ça sent le printemps. J'ai la flemme de rien faire, j'suis pressé de prendre mon temps. 15h du matin, plus rien ne m'atteint. C'est mon instant, suis mon instinct, rien n'est important. 15h du matin, plus rien ne m'atteint. Tout est léger, laisse-moi. Croise mon voisin dans l'ascenseur. J'aimerais bien l'inviter demain avec sa sœur. Je salue les éboueurs, les flics et cette blonde en tailleur. Oh, son joli sourire tombe à pic sur ma bonne humeur. Sa vie, sa rit, sa gueule sur mon trottoir. Du grec au chinois, de l'épicier au bar. Y'a une odeur de café, des couleurs au soleil. Une odeur de mafé, les cinq sens en éveil. Tout le monde se check, des cassos aux beaux gosses. Des gentils aux féroces, des bolos aux colosses. Même les fervents font la grève avec joie. On va trinquer, elles vont chanter avec moi. 15h du matin, plus rien ne m'atteint. C'est mon instant, suis mon instinct. Rien n'est important. 15h du matin, plus rien ne m'atteint. Tout est léger, une journée normale, tu te lèves genre vers quelle heure? Bah je sais pas, 15h du matin. Ah ouais, tu vis toi? Ah t'as pas écouté les paroles? Si, si, c'est que c'est ton heure de chômeur. Mais quel chômeur? C'est... vas-y, c'est... Nanana, 15h du matin. 15h du matin, plus rien ne m'atteint. C'est mon instant, suis mon instinct, rien n'est important. 15h du matin, plus rien ne m'atteint. Tout est léger, laisse-moi kiffer. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère. Je n'en peux plus de t'attendre. fleurs sur ses lèvres, un tailleur assez chic. Elle se sent un peu de fièvre, l'humeur mélancolique. Il marche tout droit vers la gare, le moral pas bien haut. Il promène un chien bizarre qui fait fuir les oiseaux. Elle a peut-être 30 ans, ne sait plus où elle est. On perd la notion du temps quand on est désaimé. Sûrement des larmes planquées couleront tout à l'heure. Il est des mois compliqués pour le cœur. Quand on est seul en décembre, quand on est seul en décembre, a mille choses à faire, que la fête soit belle. On flâne sous les lumières. Seul en décembre, quand on est seul en décembre. Chez le boucher, boucher, voudrais-tu nous loger? Entrez, entrez, petits enfants, y a de la place assurément. Il était trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils n'étaient pas plus tôt rentrés que le boucher les a tués, les a coupés en

That was San Nicolas in Arizona. I don't know if you could hear that cowboy song as well. Before that, there was La Légende de San Nicolas by Henri Day from the album C'est le Père Noël. And prior to that, we had Florent Pagny with Quand on est seul en décembre on the album Veilleur avec toi. And just before that, we were just having a little bit of technical difficulties in trying to reach our guest for this evening, Jim Carroll, who was decorated the Legion of Honor medal. We kicked off the hour with several songs by Da Silva, Haute Mer, Basse Mer, from Décembre en été. So songs about being slightly depressed in the summertime, but here we are in winter when it's, we're just about to go into the holidays. Again, that was Da Silva. And after that, some great melodic music by Karen and Jardin d'Hiver from the album Nolita and Midi dans le Salon de la Duchesse. And after that, there was one more song, Que Neige, by Karen Ann. So we had quite the medley of songs to start out the hour. Caril. Eh bien, merci. Alors, Jim, if you're out there, we're working at it, and just please stay by your phone, and we'll get there pretty soon. Est-ce que tu as autre chose à jouer, Dana? Ou est-ce que je dois mettre quelque chose ici? Why don't we put on another song, quelque chose pour commencer l'interview? We had maybe something. Nous avons une chanson qui s'appelle Les Ricains par Michel Sardou. Alors, Michel Sardou parle de ce qui arriverait si les Allemands ont gagné. This is Michel Sardou singing a song called Les Ricains, kind of a slang word for Americans, Americans. And in it he says, what would happen if the Germans had won World War II? I think I should perhaps repeat that. My mic wasn't on. Lots of problems tonight. So we're playing Michel Sardou, Les Ricains, the Americans. What would have happened if the Germans had won World War II? N'était pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Bien sûr, les années ont passé. Les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier, dit, qu'un jour on en a eu besoin? Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un matin où tu n'y étais pas. Bien sûr, les années ont passé. On est devenus des copains à l'amicale du fusillé. On dit qu'ils sont tombés pour rien. Si les ricains n'étaient pas là, seriez tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Well, that was Michel Sardou with Les Ricains. And let's see, we have something here? Or? Yep, we can go back to music in just a second. I thought the music was, the words were interesting. It was like years have gone by and the guns have changed hands. It was just nice to listen to. We're just having a little difficulty. I don't know that we're going to be able to reach our guest tonight. We don't know if we can reach our person here. And we're just having... we might have to reschedule it, so we appreciate everybody's patience. But we're going to go ahead and take a listen to some music from Radio France Internationale. And Dana, I should tell you, a year ago, I was up in that Normandy region, and you can see those huge German pillboxes and their guns. There were some that were captured. Did you see those by any chance? Les Blocos? Mm-hmm. Yeah, I've spent some time on there, yep, by Deauville, Trouville, Criquebœuf. Mm-hmm. Yeah, I've spent, and I took a lot of pictures as well up in that area. But I didn't spend too much time near, like, Omaha Beach. Yes. But it's very nice to go to Utah Beach. Go to the World War II Museum. Yes, and the cemetery is extremely touching there of... all of our boys who didn't make it that day on the beach. Right. Let's see, what have we here now? This? Right, we can go ahead and there is some, we're going to be listening to some music from Camilla Giordana from her album Dans le Pot. And this is the title track, Dans le Pot. J'étais dans les yeux au petit jour, je fais des tours et des aveux. Je t'ai en tête quand mes idées, souvent muettes, chantent l'été. Avec des battements de cils, je joue des tours à tes humeurs. Jusqu'à ce que tu perdes les fils, à en oublier le nom des fleurs. Je t'ai dans la peau au petit matin, alors que les rêves passent, ton regard berce mes chagrins. Pendant que les heures se prélassent, je t'ai dans la peau au petit matin, alors que les rêves passent, ton regard berce mes chagrins. Pendant que les heures se prélassent. Je parle des crépuscules, des passants, des pavés. Je raconte la lune, je te raconte la lune. Je m'étends sur la brume ou sur tes baisers. Et moi je sais raconter tes baisers. Je décris des dizaines d'humeurs quotidiennes. Je te chante encore mes joies, mes peines. Je détaille toujours des histoires tout bas. Mais comme j'aime penser à toi, avec des battements de cils, je joue des tours. Dans la peau, pendant que les heures se prélassent. Je t'ai dans la peau au petit matin, alors que les rêves passent, ton regard berce mes chagrins. Pendant que les heures se prélassent, je t'ai dans la peau. Colonel Chagrin, colonel de plomb, pleure des canadaires et des cotillons pour une fille partie, colonel de pluie, s'ennuie. Pleure donc pas comme ça, colonel bidon, si t'es un garçon, si t'es un garçon. Les filles c'est des connes, colonel marron, et toi t'es qu'un con. Colonel vaurien, caporal miné, joue les astronautes et dans les nuées. Tu cherches rien d'autre, tu cherches rien d'autre que ta bien-aimée. Comme ça, colonel mouillé, à regarder le ciel, à penser qu'à elle, c'est fini les balles, les Negresco, colonel K.O. Is a test of the emergency alert system. 3FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul serves the greater Twin Cities area. This concludes this test of the emergency alert system. This has been a test of the emergency alert system. The purpose of this test is to ensure that all early warning equipment is working properly. If this had been an actual emergency, official messages would have followed the alert tones. KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul serves the greater Twin Cities area. This concludes this test of the emergency alert system. Les beaux jours reviennent. Berlin is raining, Berlin is wet. Sur le pont des bateaux, quelques Américains, barcarolles, rodéo, me saluent de la main. Sous le grand orme d'or, MDM, Marilyn, des frissons plein le corps, Sweet Dreams, Lily Marilyn. Je suis à l'ouest de tout. Viens pas me chercher, viens pas me chercher ici. Je suis à l'ouest de nous. Viens pas me chercher ici, viens pas me chercher, je t'en prie, je t'en prie. Berlin is raining, Berlin is wet. Don't wait for me. Tonight I'll be late. Berlin is raining, Berlin s'embête. Checkpoint Charlie, checkpoint Charlie, checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie, checkpoint Charlie. Et nos chemins s'arrêtent. C'était tout juste programming après la is supported by Ampers and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. Ampers.org has hundreds of music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at Ampers.org. Ampers, diverse radio for Minnesota's communities. Thank you. endort, je creuse dehors un tombeau pour la rose. 3000 pieds sous terre, une rose trémière peut-elle vivre sans lumière? 3000 pieds sous terre, une rose trémière peut-elle vivre sans lumière? All right, you're listening to KFAI 90.3 FM, St. Paul, 90.3 FM Minneapolis, 106.7 FM St. Paul. The radio show we present is Bonjour Minnesota. If you have questions, call the studio line at 612-341-0980. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota, KFAI 90.3 FM Minneapolis. Et 106.7 FM à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Et ce soir, il y avait un peu de problème avec, avec notre invité. Nous prions notre invité de bien vouloir accepter nos excuses. Et alors, on va la refaire pour la semaine prochaine ou un de ces jours. On va voir. The song that we... As we were just saying, as Carol just said, we had technical difficulties getting our Jim Carroll, the decorated war veteran, on the phone. So we will postpone our interview with him till another time. In the meantime, we just heard Emily Loiseau with Dis-moi que toi, tu ne pleures pas. And the next song that we'll be listening to will be L'autre bout du monde. First of all, we should say it is 9 p.m. Central Standard Time here in Minneapolis and St. Paul at KFAI station. And we are at, were you on the air? No. Oh, no, I'm number one here. Sorry, I missed that. We're serious. It's 9 p.m. Central Standard Time here on Minneapolis and St. Paul. And... Il est 4 heures du matin à Paris. Voilà. 4 a.m. and probably the garbage trucks might be starting. And the little guys with their brooms turning on the water. Uh-huh. And the afters clubs might be opening in an hour or two. But as... Really? Yes. Cafe Global, maybe. Maybe in the 10th. Oh, well. I would say. So as we were saying, we just apologize for the technical difficulties we were having. We did want to talk. We did have a couple of songs earlier about San Nicolas, which will be on Saturday. And I know that at the Galleria in Edina, they had a San Nicolas where people could bring their shoes and get special gifts put in them. Mm-hmm. And that's what the French kids used to do. I don't know if they still do that, put their sabots or their shoes up for Saint Nicolas. I know that, yeah, French kids still do that, but I don't think there's any traditional type of things happening in the Twin Cities for it. No. Do we have some announcements? We have some announcements here. Yes, we do. Always something going on at the Alliance Française, and this is the big thing coming up on Saturday, December 13th. Mark that date. Celebrate the holidays with the Alliance Française at their Fête d'Hiver, their winter holiday. There will be music, bûche de Noël, and many activities for the family and the kids, even a visit from Papa Noël. Coming up in December, on Wednesday, tomorrow, from 6 to 8, Les Navigateurs de la Littérature, They are a book club for intermediate readers, and they are reading Sans Famille. Friday, on this coming Friday, on the 5th, from 7 p.m. on, there will be a film shown at the Alliance. All are welcome and invited. The film is called J'appelle Lou. It will be in French with English subtitles, I'm sure. Mm. And especially Saturday, this will be a great thing to attend. The 6th, from 9:30 to 11:30, Petit Déj, that's breakfast, and the Holiday Market, all kinds of little things that you can buy quite reasonably. Christmas shopping now at the Alliance Française. That would be great. Mm. Vendors include C'est Chic, Mademoiselle Miel, Trades of Hope, Jewelry and Cards by Molly McDougall, Photography and Graphic Products by Kat St. Pete, and Global Mamas. And thank you, Bread Smith, for supplying all the great bread for tartine and the croissant. The Minneapolis Holiday Market at the Alliance Française will be Saturday from 11 until 8. That'll be all during the festivities there. On Sunday at 3 p.m., Cine Kids, Noémie Le Secret. Thursday, coming up, the 11th, from 6 to 7:30, Apéritif en Français at the University Club of St. Paul. Join the Alliance Française members and in the elegant member bar of the University Club for conversation et un verre de vin. The Fête d'Hiver, again, is Saturday. For the children, it's 5 to 7 p.m., and for the adults, 7 to 9 p.m. Music, food, vin chaud, hot wine, Christmas Yule log cake, and a special visit from Père Noël. The Alliance will be closed December 24th through January 1st. And then the mini sessions, well, they've already started. Brush up review classes, they started December 1st and going to the 20th. Conversation class for 2 hours once a week for 3 weeks. Topic classes. You can do such things as Chantons l'hiver, practice for beginners, and writing practice. Here's a good one for teachers who need to get those extra credits for certification. Spend a day en français, 3 hours in 1 day. You will have subjects such as subjonctif et conditionnel, Biche de Noël, Christmas Yule log, and tenses of the past. There will also... That sounds like definitely some classes need to take, yes. Great brushing up here. Mm-hmm. And there's a mini session on Wednesdays, December 3rd, 10th, and 17th. That's, you attend them all, I assume. It's from 10 a.m. to noon on Wednesdays. And this will be Perfectionner l'expression écrite, writing for, which is one of the most difficult things, I think. I believe so, too. Writing is a difficult skill. You can register for a 10-week course. If you do so before December 20th, you will receive a pretty sizable discount. Check out all the topics, including Auguste Rodin, the great sculptor, Quebec with Francine Roche. That should be a lot of fun. And follow a cooking class. Their number, 612-332-0404-36. Here's a mini session for kids. 3 weeks of classes for kids of all ages and experience. Saturdays, December 6th. Oh, that'll be this coming Saturday, this first one. 13th and the 20th. And the children will discover Les Plaisirs d'Hiver. Poems, decorations, music with Marie-Jeanne Argit. Come and enjoy snow in the holidays. The smallest children, K through 2, will meet at 9 to 10:30, and grades 3 to 5 will meet from 10:30 to noon. Speaking of kids, the Alliance Française posted today that si vous parlez français, you can use your skills to help out the students and volunteer at l'Étoile du Nord French Immersion. So they're looking for volunteers. I'm sure that any of the French immersions in town could help with some They'd volunteers. They'd be happy to have you volunteering. Étoile du Nord especially. So if you could call Fatima Lantouni at 651-221-1480. And I hope that we're able to have the principal in as well for in a couple of weeks. But back to the other announcement. Well, are you a designer, an architect, or engineer? Would you like to have something to say about the remodeling of the Alliance Française? Give them a call. They would love to hear from you. The membership for the Alliance Française would be a terrific gift for anybody who is interested in things French. Also, they get discounted or free admission to over 100 events throughout the year. Would you like to have a native French person sample or give you an estimate of your writing? Sandrine Fortina will be having an atelier d'écriture créative, a workshop of creative writing. She recently arrived in the Twin Cities and would like to help you find the creative writer in you en français. That will be starting. There will be a sample class on Saturday, December 6th. That's this coming Saturday, from 11:30 or at 12:30, and contact the Alliance for that. I don't know. Do you have anything more to answer or to... here's an interesting one. Le Temps Talk is introducing La Buvette Happy Hour. Daily from 4 to 6 and late night 10 to midnight. Food and drink specials including moules frites and homemade merguez sausage sandwiches. That's the one on Lake Street that just opened, isn't it? Right, that we need East to go Lake? There. We're yes, going we to go do. There. On Sunday, January 11th at 7:30, Dobe Gnaw Ore at the Ordway Theater in St. Paul, widely considered one of the contemporary African music's most charismatic talents. She has astounded audiences with her thrilling stage presence, appealing melodies, and powerful singing. Now, Tuesday, January 13th at 6 p.m., there will be a master class with Dobe Gnaw Ore, focusing on West African song and dance. Plus, there's quite a few offers of employment. I suggest that if you are in the market for a job using your French skills, go directly to the Alliance at the website, bonjour at AFMSP. All right, should Check we go back out. To some music? Let's get some music here, yes. All right. Il est grave, il dansait dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu? Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Thank you.

Would that be the correct translation for that? Mm, yes. And after, before that, then we also heard that San Severino with Le Petit Bal Perdu, so the ball, the lost ball, and he was talking about an incredible sort of ball dance hall lost somewhere after the war. So that was a very interesting song sung by San Severino. Last week we played that SDF song about sans domicile fixe, homeless people, SDF. Right. So this was another song by that same singer who's, we need to have more information about him. We've played him his songs off and on in the past. But well, he's been in quite a lot of the things we've been getting from RFI to San Severino. Mm-hmm. All right, so we'll go back to some music on RFI. What are the next songs that we were going to listen to that we had on here? We'll go ahead. Charles Baptiste, C'est cette année. C'est cinq. All right, here Et we go. Et ensuite, Fabien Martin. Avec le phare. On y va. Pour moi tout va décoller, je l'ai déjà dit l'an dernier, mais je m'étais trompé. C'est cette année que les gars on va rigoler, arrêtez de vous bidonner, y en a qui vont ramper. Oh ma chérie, peux-tu encore un peu patienter, promis bientôt je t'offrirai des vacances en Italie. Oh mon amour, si déjà maintenant tu t'en vas, dans un an tu t'en mordras les doigts, dans un an et pour toujours. C'est cette année que tous les banquiers se réjouissent, qui attendent que je m'enrichisse pour de nouveau m'aider. C'est cette année qu'on demande ce que je deviens, et que du coup je réponds rien, ce qui ne fait qu'intriguer. Oh ma chérie, faudra que tu surveilles tes copines, qui verraient en moi un bon parti, et surtout les plus coquines. Oh mon amour, nous allons gagner beaucoup d'amis, nous allons beaucoup en perdre aussi, mais c'est ainsi qu'est la vie. Oh ma chérie, toutes ces petites difficultés ne sont pas grand-chose mis à côté, et bientôt tu en riras. Oh mon amour, si je t'aime c'est aussi pour cela, je voudrais faire ma vie avec toi, dans les hauts comme dans les bas. We're looking for something, we're looking for what?

All right. The last song we heard was Ma Solitude by Stanislaus. This was his third solo album launched by the single Ma Solitude and concocted after a tribute to Fred Astaire in an adventure with the group Circus. Follows an unusual, ambitious Stanislaus recipe. This new daring project is his most successful yet. I just love his melodic voice. The creation was put together with a sound design specialist and documentary music writer, Sylvain Moreau. And the result is epic, contrasting collection of rich and dense sound that makes a daring marriage of digital and acoustics. Before that, we heard the song Le Phare, which was by Fabien Martin. And just before that, we had Charles Baptiste with C'est cette année. And let's have some annonce. Haru harali haraloi ha. Go around the world in 4 hours with the cutting edge in global music on KFAI, 8 p.m. to 12 a.m. weekdays. Accent. Mark your calendar for Malarkey's first holiday and CD release party at Morrissey's at 913 West Lake Street on December the 8th at 7 p.m. Laura McKenzie, Martin McHugh, Doyle Sproul, The Hounds of Finn, The Wild Colonial Boys, St. Paul Irish Dancers, Mike Whalen's Kaylee, and lots of great items at live auction. Proceeds benefit KFAI. Check malarkeyonline.com for details. Quand bien même la traversée ne durait qu'une nuit d'été, nos bras gardaient les griffes des passagers sauvages. Qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Quand bien même cette nuit d'été ne servait qu'une nouvelle échappée, la voilure garderait la trace et la morsure des femmes, des femmes. Qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Même un soleil retrouvé, nos silhouettes dominaient la mer, il n'y avait dans nos yeux que tout ce qui périt face au doute, que tout ce qui périt face au doute. Qui nous accompagnait le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. cavale. Des matins surpris d'être allé si loin à deux, et des jours sans fin. Il y aura aussi des silences, des coups de griffe, des souffrances à deux. Des portes claquées, des mots de trop, des regrets. Je viens avec toi, jour et nuit. Avec toi, je dis oui. Je ne te promets pas le couple éternel. D'être fidèle. Prenons le meilleur, évitons le pire à deux, à fleur de nos cœurs. Pas de toujours ni de jamais, pas de non au bas d'un papier. Je viens. Chaque nuit, je viens avec toi, jour et nuit. Avec toi, je dis oui. Voilà, vous avez entendu deux chansons. D'abord, Radio Elvis, et eux, ils ont chanté La Traversée. Ce sont des musiciens de rock, mais de rock poétique. On les compare un peu au groupe Noir Désir, et aussi à un autre groupe que je ne connais pas, François et les Atlas Mountains. Donc, Radio Elvis. Et la deuxième chanson, c'était Louis Bertignac, Je dis oui. Alors, intéressant, Louis Bertignac, parce qu'il était d'abord guitariste pour le groupe Téléphone. Il était le Keith Richards d'Aubert Jagger. il a commencé à être tout seul. Et qu'est-ce qu'il a fait encore il a fait quelque chose pour Carla Bruni. In 2004, he helped. 2004, It was the last song we listened to was Bertignac, Je dis oui. Mm-hmm. And as Caril was saying, he was a founding member of the group Telephone, which is a 1970s, 80s group. And in 2004, he played music on, produced Carla Bruni's Quelqu'un m'a dit chanson, the song that was very popular. And so Bertignac, he was born in Algeria, and a great songwriter, guitarist. So We will go ahead and play a couple more songs for you. The next song that we will have will be Coralie Clément with La Belle Affaire, which is the title song off the album La Belle Affaire. Et quand bien même ma vie te pose un problème, et quand bien même je t'avoue ce que j'aime, et quand bien même jamais je ne dis que j'aime, et quand bien même ça reste toujours un problème, et moi quand même je perds toujours ce que j'aime. Plus une thune, il vit sous zéro. Ils ont fermé l'usine un jour de juillet. Tombé en ruine, il fallait oublier. Au clair de la lune, Pierrot est amer. Tout l'importune, allez, encore un verre, fait du porte-à-porte, et il perd ses cheveux. Il dit peu importe, il sait plus ce qu'il veut. Au clair de la lune, s'en vient un copain qui dit que la fortune est entre ses mains. Pierrot le pain noir, ne veut rien savoir. Ils en viennent aux mains, c'est pas beau à voir. Au clair de la lune, quelque part en banlieue, Pierrot mord moins une, pas monter aux cieux. Quand bien une escorte qui passait par là, à l'hosto l'emporte et puis le sauva. Ami Pierrot a refait fortune dans les bras zéros. Comme quoi la lumière qu'il cherchait la nuit, c'était le mystère qu'il avait en lui. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks for supporting community radio. All right. We just heard a song from Charlie Lee Couture. That was, what was that title of that song? Oh, New Yorker, ou ça c'était l'album? L'album qu'il a fait. So, Mon Ami Pierrot, ah. Au clair de la lune, Mon Ami Pierrot, ah, oui. His rendition, and it sounds as if this is a superb post-summer surprise. His previous independent albums, New Yorker in 2006 and Forever, were resolutely turned towards America. Given the tepid welcome they received in France, the buzz around the release of Immortel, this is a special record release. It's spelled I'm Mortal, Immortel, and it includes a digital booklet for the CD, was particularly sweet for the musician, the president of Benjamin Biolay, the most... Oh, grand nom. Biolay, il est une force... dans la musique, vraiment. And the most sought-after producer of the times, and his contract with one of the big record houses, Mercury branch of Universal, reassure anyone if they had any doubts. Biolay has skillfully married this world with Couture's, bringing a soft touch to the singer's urban poetry. So Immortel sees this diehard blues fan embark in a new love affair with French chanson. And before that, we had one of Karine's favorite, Coralie Clément. Coralie Clément, oui. On a joué souvent Coralie Clément, La Mer Opale, et je ne me rappelle plus. And this one was La Belle Affaire. And mais dis donc, elle n'a pas fait des disques depuis longtemps. C'est 7 ans pour préparer ça, je crois, non? Yeah. On a dit 7 ans de préparation. Yes, incroyable. That's what it says. It took 7 years for her to compile her 4th album. She did as much as she could by herself. And another, it says, an enterprise that drove her to write nearly all the lyrics and get involved in the composition. Big brother Benjamin Biolay left his sister alone to create. Biolay, c'est son frère, voilà. Exactly. Aurélie Clément et Biolay. With the exception of the version à la longue, his fleeting duet with Chiara Mastroianni from the album Home. So we have some interesting... more works to look into, delve into. So I'm looking forward to playing more tracks from both of those albums. We can go ahead and move on into some more music from Radio RFI. The next Radio RFI, c'est eux qui nous envoient chaque mois des chansons, la dernière page. They're protecting the French culture by providing us with 100% French songs. C'est ça. And as we said, we were looking forward to having our special guest on the radio, but due to technical difficulties, we will have to reschedule our interview with Jim Carroll. And we want to remind everyone that next week we're going to be having an interview with... Oh, we may change this around. We'll see what happens. We might switch some of our interviews. Yeah. Okay, so let's go back into some music. And the next chanson is Elie Guyot with Mon Homme. Elie Guyot. Mon Homme, oh là là. Oh, très non. Célèbre. C'était une chanson que Miss Tinguette a chantée et Barbara Streisand. Beaucoup. Okay, so off we go. Le jour gèle, la pierre fendre, tous les marins sont en mer, regard tendre et cœur ouvert et regard tendre, son odeur est dans la chambre. Mon homme est parti par la rivière. Comment rendre les nuances de son reflet dans l'eau claire, sans en voiler le mystère. Comment peindre l'évidence, la nudité, sa présence, la lune allongée dans la clairière. Il a cette beauté sobre de la Bretagne en hiver, la pudeur du bleu contre le vert. C'est le soleil d'octobre, la bonté qui te laisse plaire discrète, l'odeur de la bruyère. Il a cette chose infiniment dit, il admire sans complaire le fruit, la feuille de vie, chaque variante infime, sensible, le tremblement de l'air. Mon homme est-il nature forte ou fragile, éternelle ou passagère? Les mots sont inutiles, la blessure est difficile, la fêlure est nécessaire. D'abondance, par les bouteilles qui dansent, par le vin qu'il t'a offert par la voix d'un chanteur noir, par l'écho d'une guitare, par ce qu'il a découvert. Il effleure à sa manière ce qu'il n'ose pas te dire, ce qui ne peut pas se taire. L'amour ne peut pas se taire. Le jour gèle à pierre fend, tous les marins sont en mer, cœur ouvert et regardant. Mon homme est parti par la rivière. Je t'écris, ça fait longtemps que ta petite gueule m'a laissé un peu seul. Tu me manques ces temps-ci. Courage, tu te souviens quand t'étais mon armure, les vertes et les pas mûres qu'on a faites, tu te souviens. Courage, je te veux dans ma poche pour les jours où je me sens moche et petit. J'ai le regard qui se débine bien trop souvent, pas comme avant. Courage à pas de loup, t'es sorti de la danse et ma pioche la sous l'eau, à ma porte la prudence. Je marche sur les œufs que j'ai pondus le jour même, trop poli, trop taiseux pour demander qu'on m'aime. Courage, je te veux comme reflet pour les jours où je me sens laid. KFAI is listener-supported radio. Become an active listener by starting or renewing your KFAI membership today. You can contribute online at kfai.org. Thanks for supporting Community Radio. For us to go until next week. This is Carol. And Dana. Au revoir. Au revoir, Dana. Au revoir, Carol. Et à la semaine prochaine. I'm Nikolai and you're with Balkan Jamboree.